Découvrez l'application Radio France. Écoutez vos radios en direct, retrouvez toutes vos émissions à la demande et les podcasts originaux des chaînes de Radio France. And you can tell everybody this is your song. Bonjour Frédéric, c'est Hélène de Paris. Écoute, je t'appelle parce que j'adore tes émissions, particulièrement celle d'hier sur Elton John. Ça m'a vraiment fait retomber en enfance. Ça m'a fait repenser au groupe Blue, enfin. Merci d'en avoir parlé. Et aussi, je suis un petit peu déçue que vous n'ayez pas parlé plus que ça, ou même pas diffusé la chanson avec Elton John. Et George Michael, d'autres lettres de Sun Gotham Dandy, qui est, je pense, la plus belle chanson du monde. I hope you don't mind, I hope you don't mind. Oui, vis-à-vis des looks extravagants d'Elton John, Sophie Rosemond, la spécialiste, aurait pu faire référence au glam rock des années 72-74. Bonsoir. Sur Elton John, il y avait encore tant à dire. Les deux chansons avec France Gall, son duo avec Miss Piggy dans Muppet Show, son invitation fictive de Billy Mac dans Love Actually, Lady Diana, etc., etc. Sur de pareils thèmes, faites des émissions de 2 heures l'an prochain, s'il vous plaît. Merci, au revoir. How wonderful life is while you're in the world. Salut Fred. Sur Elton John, tu disais qu'il y avait un ami qui avait plus de 40 ans qui kiffait Elton, mais qui n'osait pas l'afficher dans sa chambre. C'est Dedo, hein? Oui. Il est où, Dedo? Dedo! To be or not to be, not to be. Nous sommes le mercredi 27 juillet 2022 et c'est aujourd'hui que sort sur nos écrans de cinéma Crypto et les super animaux. Un film qui a été pensé et conçu pour ma fille Zélie et moi. Il y a des super-héros et il y a des chiens! C'est une étude de marché extrêmement bien faite. Si la bande-son c'est du Kendrick Lamar et du Claudio Capeo, ça va être le film de notre vie. Crypto, c'est le chien de Superman. Car oui, Superman a un chien qui, comme lui, bénéficie des effets de notre soleil, ce qui lui donne des super-pouvoirs. Il vole, il a une super-force, il envoie des lasers avec les yeux, il a une cape, sauf que c'est un chien. En gros, les périodes de chaleur chez Crypto, le super-chien, ça doit être très difficile à gérer. Autant vous dire que s'il commence à se frotter à votre jambe, bah vous le laissez faire. Le personnage est apparu en 1955 dans les comics et books de DC Comics, tout comme Ace, le chien de Batman, qui lui, n'a pas de pouvoir. C'est juste un chien qui porte un masque et une cape de chauve-souris. Oui, je n'invente rien. Et donc aujourd'hui, il se retrouve sur grand écran dans ce qui a l'air d'être un dessin animé très très fun. Superman est évidemment de la partie dans un second rôle destiné à être comique, comme dans le dessin animé Teen Titans Go, ou le dessin animé Super Hero Girls, ou le dessin animé Harley Quinn, ou le film Shazam, ou la série Peacemaker. Et il n'y a aucun mal à caricaturer Superman, aucun! Le propre des grands personnages, c'est de pouvoir supporter toutes les extravagances. Il est juste dommage qu'actuellement, sur grand écran, les studios aient un peu oublié de rappeler au public que Superman est un grand personnage. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Siglis. Vous deux, vous avez les codes d'accès. Ouvrez le portail. Vous savez ce que vous avez à faire. On élimine les gardes, on accède au labo, on récupère les plans et on se casse. Il va nous servir à quoi, ce rayon de l'eau? À gagner cette guerre. Et voilà, l'attaque a officiellement commencé. Allons-y. Créée par le studio Epic Games, la franchise Gears of War a accompagné le lancement de la console Xbox de Microsoft. Visant le marché américain, Gears of War a initialement été vu comme un fantasme de geek un peu bourrin, des marines de l'espace avec des bras gros comme des troncs d'arbres, des extraterrestres hideux et des grosses mitraillettes tronçonneuses. Autant vous dire que la subtilité était en congé quand le jeu a été réalisé. Mais avec le temps et la technologie, la franchise a évolué et est devenue un des fers de lance des consoles Xbox. Et pour parler de la franchise Gears of War, qui recèle plein de secrets, je suis entouré par Loïc Rallet, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien journaliste jeux vidéo, mais surtout spécialiste de Gears of War, et vous avez travaillé au studio Bungie. Tout à fait. Avec nous également Anna Bresson, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice artistique, enseignante, autrice et membre de Women in Games. Oui, tout à fait. Et avec nous, Guillaume Sonnet, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste chez Frandroid, mais aussi streamer, en amateur, et vous êtes un grand fan de la série Gears of War. C'est bien ça, oui. Allez, notre paquetage est prêt. Soldats, préparez manette. Allez les Gears, on n'aura pas d'autre chance de récupérer ces plans. Quand on aura détruit les tours radio, la base sera coupée du monde. On a des indés. En haut, tuez-les. Vite à couvert, je les tire. Loïc Rallet. Il faut bien imaginer que là, vous vous adressez à des gens qui ne connaissent pas forcément l'univers du jeu vidéo et encore moins Gears of War. Donc Gears of War, c'est quoi ? Ouais, résumer ça rapidement comme ça, c'est pas simple. Si je veux le résumer... C'est pour ça que je voulais demander à vous. C'est un jeu de tir à la troisième personne, c'est-à-dire qu'on voit le personnage que l'on contrôle, dans lequel on est les humains sur une planète qui s'appelle Serra. Donc c'est pas la Terre, il faut pas imaginer que ça reprend la géopolitique que l'on connaît ici. Sur cette planète qui s'appelle Serra, est opposé une reste de créatures qui ne sont pas des extraterrestres, mais sont plutôt des intraterrestres. Ils viennent de l'intérieur de la planète et ils sont dans une guerre qu'ils sont en train de perdre au point qu'il ne reste quelques milliers de survivants seulement, alors que les hordes de locustes, donc ces créatures qui viennent des profondeurs de la Terre, continuent de venir et d'essemer partout à travers la planète. Et on est dans un univers qui est sombre, violent et qui est un peu macho, rigolo. Voilà. C'est comme ça qu'on pourrait l'écrire aussi simplement que rapidement. Anna Bressan, là on a entendu dire que c'était un jeu de tir à la troisième personne. Alors on sait que souvent on parle de first person shooter, de jeu à la première personne. Et quelle est véritablement la différence entre Gears of War et d'autres jeux qui sont vus à la première personne, je pense notamment à Halo ou Call of Duty? Alors, la différence principale, en tout cas pour moi, quand je l'ai connu, hein, c'est justement qu'il n'y avait pas ce genre de caméra, qu'on n'était pas à l'arrière, en fait, on ne voyait pas notre personnage de dos. Ce qui est différent quand on est la première personne, là, on voit la vision du personnage tel quel. Et c'est vrai que quand il est sorti, donc je crois que c'était dans les années 2006, ouais, moi j'ai peut-être dû y jouer en 2008, mais bref. Et là, c'était assez révolutionnaire et ça qui m'a beaucoup attirée. Et il y avait aussi cette dimension qui est assez proche du documentaire, c'est que quand les personnages accélèrent pour se mettre à couvert, parce que c'est une des dynamiques de jeu assez essentielles dans Gears of War, c'est que la caméra est au niveau du sol et on a vraiment l'impression de retrouver ce sentiment qu'on peut avoir en regardant des documentaires sur la guerre, où la caméra est au ras du sol et on voit les gens qui au milieu des balles qui crépitent. En interne, ils appellent ça la Fallujah Follow Cam, donc Fallujah d'après la bataille de Fallujah. Déjà en Irak, on a effectivement ces images comme un reporter de guerre qui suivrait un soldat qui progresse. On a la caméra à ras-le-sol et surtout l'angle de vue change un petit peu. On a une caméra qui se focus beaucoup sur le centre et du coup, on a tendance à ne plus vraiment voir ce qui se trouve sur les côtés. Et en plus de ça, le personnage court relativement en ligne droite. C'est très difficile de le faire aller à droite ou à gauche. Donc on est vraiment dans ce côté presque documentaire un peu qui est très perturbant la première fois qu'on y joue. Mais c'est aussi une bonne partie du raison de son succès. Ça fait partie de ces petits trucs qui font le succès du jeu. Guillaume Sonnet, ça crée un rapport très particulier dans la tête du joueur de voir le personnage intégralement, Marcus Fenix, Dom, Blair, de le voir avec cet équipement énorme, contrairement à d'autres jeux où on ne va voir que les mains, les armes au premier plan, ça crée une autre dramaturgie dans le cerveau du joueur. Bah évidemment, la mise en scène, elle est dans Gears of War, elle est surtout faite de manière très dynamique. Alors c'est des plans de caméra, des jeux à la troisième personne, ça existait déjà avant. Même des cover shooters, ça existait bien aussi avant. Le truc, c'est que Gears of War a fait en sorte. Qu'est-ce qu'un cover shooter ? Alors, je vais vous poser plein de questions comme ça pendant tout le truc. Qu'est-ce que c'est cover shooter ? Ça fait aussi partie un peu de l'ADN de la série. C'est un des premiers cover shooters, on va dire, où le système était très très bien ancré dans l'univers de la série. En gros, c'est le personnage est donc à troisième personne et il va pouvoir se cacher derrière un muret ou n'importe quel type de mur de façon un peu dynamique, pouvoir tirer par-dessus ce mur ou même à côté. Et c'est ce qu'on appelle un cover shooter, donc le personnage va se couvrir, mais en même temps, il va pouvoir shooter en même temps. Et Gears of War faisait partie de ces débuts dans le gameplay des jeux, où en tout cas, on mettait en avant beaucoup, beaucoup cet aspect. Quoi. Il a démocratisé le genre, parce que effectivement, ça existait déjà avant, mais il l'a démocratisé en imposant une nouvelle façon de faire ces jeux qui, jusqu'à présent, ça avait été expérimenté, mais ça marchouillait, on va dire. Là, ils arrivent, effectivement, ils créent une nouvelle grammaire pour le genre, et à partir de là, effectivement, à la fin des années 2000, on a été envahi de cover shooter plus ou moins réussi, mais lui a effectivement a placé. Et qu'on a même retrouvé dans des jeux d'action plus, je vais pas dire plus traditionnels, parce que la mise en scène, mais notamment Uncharted, utilise aussi ces mécaniques. Oui, tout à fait, ouais. Loïc Rallet, initialement, Gears of War avait pour but d'être une vitrine technologique aussi, ouais, du moteur Unreal. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? On vous l'avait dit en intro, c'est un jeu d'Epic Games. Et Epic Games, à l'époque, ils sont connus principalement pour être les développeurs d'un moteur de jeu qui s'appelle l'Unreal Engine, dont on parle encore aujourd'hui, parce qu'il y a bientôt la version 5, je crois, qui va arriver bientôt. Et ils développent des jeux avec leur moteur de jeu. Et c'est vraiment des démonstrations techniques. C'est des FPS, pour le coup, donc des first-person shooters, des jeux tirés à la première personne, Unreal, puis Unreal Tournament, qui sont des jeux qui sont incroyables. Et au début des années 2000, ils commencent à travailler sur un nouveau jeu. En interne, ils l'appellent Unreal Warfare, je crois. Donc, ça suppose être un jeu de guerre, mais dans le monde d'Unreal. Avec le temps, ça devient finalement Gears of War. Et ils le sortent, du coup, sur c'est le premier jeu qui utilise la version 3 d'Unreal Engine. Effectivement, le moteur de jeu est incroyable. Donc, lorsque le jeu arrive sur 360, sur Xbox 360, on est en 2006, la console, ça fait un an qu'elle est là. Et je crois que, en tout cas, pour moi, je pense que tout le monde confirmera, mais c'est la première fois où on s'est dit, OK, on arrive dans la nouvelle génération de consoles. Alors, avant, on était sur PlayStation 2, GameCube, Xbox, il y avait des jeux qui étaient beaux, etc. La 360 arrive, mais tout de suite, l'évolution graphique, on l'a pas nécessairement senti. Par contre, lorsque Gears of War arrive en novembre 2006, là, c'est une énorme, énorme, énorme claque graphique. Et, faut imaginer que le jeu a eu un tel impact sur la 360, c'est qu'à l'époque, Tim Sweeney, donc le patron d'Epic Games, a fait pression auprès de Microsoft pour qu'il booste la RAM la mémoire interne, la mémoire vive de la console, parce que le jeu pouvait pas tourner pas suffisamment comme il le voulait. Il voulait un affichage en 720p. Voilà. Et pour ça, il avait besoin de plus de RAM, donc il a fait pression sur Microsoft. Et comme Microsoft avait signé pour avoir une exclusivité sur Gears of War, il voulait que le jeu soit le plus beau possible. Et donc, du coup, ils l'ont fait. Anna Bressan, quel est votre point de vue en tant qu'esthète, en tant que directrice artistique, sur la manière dont ce jeu s'est présenté au monde ? Justement, au niveau graphique, pour moi, ça a été une claque, surtout au niveau cinématique. J'ai adoré. Ça, c'était un des premiers jeux de combat, guerre, où je voyais vraiment qu'il y avait une histoire qui n'était pas gratuite, même si, le premier, forcément, faut poser les bases et on peut pas aller tout de suite dans de la profondeur. Mais là, il a un style qui est très reconnaissable parce que ces personnages, oui, ils sont tout carrés, ils sont disproportionnés au possible avec des épaules larges de 3 mètres, mais on reconnaît très, très bien le style. Et c'est aussi un style un peu... futuriste, post-apocalyptique, mais qui est propre justement à la saga, qui a réussi d'ailleurs à le conserver, sachant que je crois que la licence a changé de studio de développement plusieurs fois, mais à chaque fois ils ont réussi à conserver cet esprit. Et assez rapidement, alors que pourtant le jeu est arrivé après la première année d'exploitation de la Xbox, les deux se sont associés, c'est-à-dire que Gears of War et la Xbox, ça a eu le même effet que par exemple, pour les plus anciens, Sonic l'avait eu pour la Mega Drive, le jeu qui fait vendre une plateforme. Et je voulais vous interroger aussi sur ce rapport d'un jeu qui est associé comme ça à une console. En fait, le truc, c'est que à l'époque, des mascottes, en tout cas dans cette génération de consoles, quand la Xbox 360 et la PS3 sont arrivées, les mascottes étaient un petit peu en désuétude. Alors il y avait Mario et Sonic à une époque, évidemment, que tout le monde connaît, mais c'était plus vraiment la mode de faire des mascottes de jeux vidéo pour une console ou pour une marque en particulier. Et quand Gears of War est arrivé, alors il y a déjà eu chez Microsoft, il y avait déjà eu Halo de la précédente génération de Xbox, qui lui était le fer de lance aussi, qui était le premier jeu sorti, l'un des premiers jeux sortis pour la console. Quand la Xbox 360 est arrivée, Gears of War était vraiment aussi ce fer de lance là, et on a plus ou moins, la marque a plus ou moins mis en avant énormément Gears of War pour en faire une sorte de jeu de fer de lance, en tout cas, mais surtout d'un point de vue technique. C'était pour montrer techniquement ce dont était capable Microsoft à cette époque face à la PS3 qui allait arriver, et montrer un peu les muscles techniques, on va dire, quoi. Il y a très vite eu l'ambition de l'imposer comme le nouveau jeu référence de la console, où très rapidement le jeu sort, c'est un succès presque automatiquement. Et donc le jeu sort en novembre 2006, et déjà en décembre, ils parlent de faire une trilogie. Donc c'est très vite arrivé. Très vite, Microsoft a poussé Marcus Fenix, on le voyait un petit peu partout. Gears of War a sponsorisé une énorme tournée de groupes de métal aux États-Unis, où il y avait Megadeth, Factory et compagnie. Oui. Enfin, et donc du coup, Gears of War à ce moment-là était vraiment partout, et c'est devenu pas forcément à la même échelle, mais c'est devenu un petit phénomène de société, un petit phénomène social aux États-Unis, où subitement tout le monde joue à Gears of War parce que c'était le jeu. Parce que là, on parle de la partie solo du jeu, mais il y a aussi un gros mode multijoueur qui a carburé, et notamment aux États-Unis, et c'est vraiment devenu le personnage et le jeu du moment. La promo de Gears of War 3 a été accompagnée d'une reprise du groupe Tears for Fears, qui encore aujourd'hui est un excellent morceau. On écoute Mad World, interprété par Gary Jules avec Michael Andrews. All around me are familiar worn out places, worn out faces, bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And to feel the way that every child should. Sit and listen, sit and de Gary Jules dans Blockbuster sur France Inter. Les camps CGU sont construits à partir de l'intérieur, donc le fabricateur est dans la tour de construction, au centre de la ville. Alors on le prend et on se tire. M'étonnerait pas que ça grouille de des potes ici. Il n'y a pas eu d'attaque d'étrangers depuis au moins 6 mois. La surprise va jouer pour nous. On surprend pas un robot, gros malin. Loïc Rallet, Cliff Bleszinski a mis beaucoup de lui dans la conception de Gears of War. Ouais, ce qu'il a assez rapidement avoué, en fait, on a cette image de Bleszinski qui est un monsieur très grandiloquent, les teintures, les grosses voitures, c'est un peu une rockstar dans le milieu du jeu vidéo. Et il a ce côté un peu, voilà, il fait des FPS, donc il a ce côté un peu macho, machin, etc. Mais en fait, non, c'est quelqu'un qui est assez sensible. À l'époque où il travaille sur Gears of War, il est en plein divorce, il se fait plaquer par sa femme, et cette femme, c'est son amour, c'est l'amour de sa vie, quoi. C'était sa copine au lycée, enfin, il faisait hyper longtemps qu'ils étaient ensemble, il l'adorait. Et elle le plaque. Et forcément, ça déteint un petit peu sur Gears of War, et je pense que l'aspect le plus essentiel, c'est au début, du coup, il veut faire un break, il part. Il va à Londres pendant un certain temps, et un soir, en fait, il monte en haut de la cathédrale Saint-Paul, et avec, apparemment, c'est lui qui le raconte, avec un, je sais plus si c'est une vieille caméra ou un vieil appareil photo, il prend des photos de Londres, au moment où c'est le crépuscule. Et lorsqu'il fait développer les photos, où il récupère le film, il se rend compte que les images, elles ont un couleur, un rendu qui est incroyable. Et lorsqu'il revient au studio, il vient voir les artistes, leur fait voilà, le jeu, je veux que ça soit ça. Et donc effectivement, c'est pour ça que le crépuscule est aussi important dans Gears of War. Et il y a cette idée aussi qu'il appelle Beauty in Destruction, enfin, la beauté d'indestruction, où il veut que la ville soit effectivement détruite parce que ça fait des années qu'il y a la guerre, qu'il y a ce génocide qui est en cours. Mais il veut aussi que le joueur, au moment où il parcourt les rues des villes, il retrouve cette ce qui était la beauté de ces villes avant. Et donc du coup, il leur demande, voilà, imaginez Londres, imaginez Washington aussi, je crois, aux États-Unis, qui est une source d'inspiration. Cette architecture un petit peu, voilà, très élégante, très très très classique, abîmez-la, mettez aussi des traces d'anciens, parce qu'il faut que la ville, on voit qu'il y a, il y a eu du vécu. Et c'est voilà tout ça parce que voilà, il s'est fait plaquer et il l'a très mal vécu. Il le dira que ça l'a suivi pendant des années, parce que encore jusque sur Gears of War 2, il y a des choses de sa séparation qui l'inspirent et qui ont des conséquences assez un peu noires sur la création de certains personnages, certains monstres, certaines situations. Oui. Anna Bressan, c'est vrai que on a l'image de Gears of War comme de quelque chose de très viriliste, très très bourrin, mais en fait quand on commence à s'intéresser à la cosmogonie qui entoure cet univers-là, on touche des notions très très très très mature. Par exemple, la situation de conflit sur cette planète, c'était déjà le fait des hommes largement avant l'arrivée des locustes. Et même en fait, les locustes sont c'est l'avidité des hommes à vouloir trouver d'autres sources que de carburant que le pétrole qui les a réveillés et qui en plus a eu des conséquences écologiques terribles pour ces locustes aussi. C'est-à-dire que c'est pas du tout l'imagerie qu'on pourrait se dire les gentils contre les méchants. Non, il n'y a pas cette dichotomie, il n'y a pas de bien et de mal absolu. Chaque camp a ses raisons, en fait, de vouloir survivre. Et dans l'histoire, alors oui, globalement, si on voit par d'un point de vue extérieur, c'est les humains, les bons contre les méchants du sous-sol. Mais c'est très très vite résumé. Et finalement, on a aussi une partie qui est beaucoup plus travaillée, avec plus de profondeur. La spécialité en fait de Gears of War, pour moi, c'est surtout que chaque personnage a justement le temps d'avoir son histoire qui est développée au fur et à mesure. Il y a vraiment une identification. On peut se projeter parce qu'on apprend à les connaître, on apprend à les aimer et on apprend aussi à les voir chuter parce qu'ils connaissent beaucoup d'épreuves dans cette guerre, hein, ça n'épargne personne. Et les morts font beaucoup de mal. Oui, parce qu'il y a évidemment le personnage de Marcus Fenix qui au début est nimbé de mystère. Voilà, il est en prison parce que c'est un soldat qui a voulu retrouver son père et en fait il a désobéi et donc il a été envoyé au trou. Mais c'est quand même le soldat badass par excellence. On est d'accord. Oui, complètement. Bah après c'est l'imagerie aussi de Gears of War de manière générale, c'est-à-dire que on se retrouve avec quand même les membres du CGU, donc c'est l'unité militaire. Des humains entre guillemets de cette planète qui sont là pour protéger la veuve et l'orphelin, mais surtout contre l'invasion locuste. Et on a cette image de militaires très très baraques. Ils ont des bras immenses, ils ont des têtes carrées comme pas possible, ils font 2 mètres de haut voire plus, ils ont des armures énormes, mais en même temps le jeu fait de manière assez pas magistral, mais en tout cas de manière assez maligne, fait en sorte que ces personnages, ils aient quand même une consistance scénaristique au sein de, dans le scénario du jeu, et que c'est pas juste des gros pleins de soupe armés de, enfin, qui veulent du sang partout, quoi. Donc il y a quelques intrigues dans le jeu, notamment ce qui sont développées à partir du second épisode, qui montrent bien que c'est pas juste un jeu hyper bourrin, et que les développeurs ont fait en sorte que ils puissent développer leurs personnages au maximum qu'ils le peuvent, et que derrière les apparences de jeux très guerriers, très bourrins comme on en faisait énormément à l'époque, Gears of War montre aussi qu'il a une vraie cohérence scénaristique dans ce qu'il essaie de donner. Parce que tout à l'heure, on parlait effectivement de Halo, Master Chief, il fallait vraiment deviner d'où il venait, qu'est-ce qu'il aimait, qu'est-ce qu'il aimait pas, alors que dans Gears of War, on a quand même une carte d'identité beaucoup plus travaillée des personnages dès le début. Anna Bressan, vous parliez notamment de Dominique et de son épouse Maria. Oui, alors Dominique, qui est, pour replacer dans le contexte, est le meilleur ami donc du héros Marcus Fenix, et il est depuis le premier opus, il est présent ans et dans le deuxième, alors spoiler, hein, mais ça se passe très mal. Voilà, c'est très très, ça commence très mal pour lui. Il a perdu sa femme, enfin il l'a perdu. Elle s'est fait enlever par les locustes et donc pendant tout le deuxième volet, on est à sa recherche et on sait que ça va mal se passer parce que le traitement que font les locustes envers les humains, c'est de la torture, c'est des mutilations, c'est des recherches gratuites, comme on peut se l'imaginer à la guerre. Donc là-dessus, la narration est assez réaliste. Et quand il retrouve donc sa femme, elle est dans un état, elle n'est plus là parce que on soupçonne, ou même je crois que ça avait été dit, mais elle a subi, outre diverses tortures, elle a subi une lémotomie. Et donc là, bah, Dominique est anéanti, alors que c'était vraiment le personnage très optimiste et on a été avec lui jusqu'au bout. Et il se résout à, du coup, l'euthanasier. Et là, c'est vraiment un tournant pour moi essentiel dans la narration. Bon, parce que effectivement, on a pu voir d'autres personnages aussi, voilà, subir des pertes. Mais Dominique, bah, voilà, c'était un personnage qui était présent au premier volet et qui, en plus, à la fin du coup du deuxième, n'arrivera pas malheureusement à se remettre de la mort de sa femme. Et je suis triste. Et il fera un ultime sauvetage. Voilà. Il sacrifiera pour donner une chance à Marius, à Marcus et aux autres de se sauver. Loïc Rallet, c'était une volonté d'aborder des thématiques aussi sombres, notamment liées à Guantanamo, vous m'avez dit. Ouais, bah, Bleszinski en parle assez souvent. Il aime bien, parce qu'effectivement, on en parle depuis tout à l'heure, c'est bourrin, c'est des gros mecs virils, etc. Mais il aime bien aussi voir que les gens n'ont pas nécessairement compris la sous-couche qui est juste en dessous, où de tous les thèmes, on a parlé jusque-là, effectivement, bah, l'histoire de Guantanamo, c'est le sujet d'action. On est dans la seconde partie des années 2000, c'est la guerre en Irak est officiellement terminée, mais la présence sur le sol américain continue. Il y a toutes les histoires qu'on a pu voir passer par la suite, et notamment Guantanamo. Et donc, du coup, des prisonniers irakiens qui sont torturés par des soldats américains. Et ça, clairement, effectivement, ça l'a inspiré. Et c'est en partie le traitement des prisonniers humains par les locustes. C'est directement inspiré de ça. Donc, du coup, on prend un chouï de recul. On se dit, ah ouais, en fait, du coup, mais les locustes, c'est les Américains. Et les prisonniers, c'est les Irakiens. Donc, on n'est pas forcément dans le genre de schéma qu'on pourrait attendre d'un jeu très américain, machin, etc. Effectivement, là, les méchants sont pas nécessairement ceux qu'on croit. Mais il y a plein de choses qui l'ont inspiré. Un sujet dont il parle assez régulièrement, c'est aussi l'importance pour lui de la famille, des amis et de son père. Il dit régulièrement que la série Band of Brothers Produit par Spielberg. Par Spielberg et Tom Hanks, tout à fait, était une des sujets d'inspiration de base. Il voulait recréer ce sentiment d'un groupe de gens qui sont plus que juste des soldats qui travaillent ensemble, qui sont une des familles des amis, pratiquement une famille. Contexte. Ouais, tout à fait, ouais. Et même le sens de famille. Cliff Bleszinski, pardon, c'est quelqu'un qui a été traumatisé dans son enfance parce qu'il a perdu, lorsqu'il avait 13 ou 14 ans, je crois, son père qu'il adorait. Son père est mort d'un arrêt cardiaque ou quelque chose comme ça, je crois. Et donc, du coup, ils ont quitté leur grande maison à Boston. Ils ont migré sur la côte ouest. Il parle très souvent pour lui de l'importance de la famille, et typiquement il dit aussi beaucoup qu'il rêve très souvent de son ancienne maison à Boston. Et typiquement dans le premier jeu, il y a une mission où Marcus revient dans sa maison familiale, la maison qui était à sa famille, à son père, une maison qui se trouve en haut d'une colline. Apparemment sa maison à Boston était aussi au sommet d'une colline, et cette partie là du niveau s'appelle Imaginary Place, un endroit imaginaire, quelque chose comme ça. Et c'est une référence directe à un film de... j'ai oublié le nom, mais le film s'appelle Garden State. Et il y a un personnage qui explique en fait... Ouais, c'est toi, tout à fait, voilà, exactement. Et qui explique que... il y a quelque chose dans le film qui explique que, grosso modo, une famille, c'est surtout des gens, en fait, qui ont en commun le fait qu'un endroit leur manque. Et voilà, c'est plein de références comme ça qui sont égrenées un peu partout dans le jeu. C'est assez fin, finalement, pour ce type de jeu. Mais c'est vrai que lorsqu'on prend le temps de s'arrêter dessus, c'est plutôt cool. On continue notre évocation de Gears of War, mais on va faire une courte pause musicale avec les Pixies. There is a Moon Hunt. Full moon night, there's a moon. Where is the Moon Hon, les Pixies. Attention, qui que vous soyez, attention. Blockbuster. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Frédéric Sigrist. Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Sur France Inter. Il y a trop de ruches actives. Partout où on va, c'est un nouveau cimetière. Raison de plus pour réactiver le rayon de l'eau. Espérons que Jean soit du même avis. Gears of War est devenu une énorme franchise, mais malgré son succès et malgré tout ce qu'on a pu en dire depuis le début de cette émission, il y a des gens qui n'aiment pas. Il y a trop de joueurs, on peut jouer qu'à deux en l'histoire. Attends, tu fais tous les Gears of War jouables à 4, et là le quatrième, en plus t'as un 4 dans ton titre, et on peut jouer qu'à deux. Le mode histoire. Je n'ai absolument rien contre la série Gears of War. Vous voyez, j'ai joué au premier jeu il y a près d'une décennie de ça, et je me suis dit, bah voilà, un jeu qui a été réalisé pour des ploucs totaux, voilà. Les gens portent des boombox de manière improbable en pensant que ce sont des scaphandres de combat, et qu'en plus ils ont un petit bandana ridicule quand ils sont en train d'essayer de vous raconter des étranges étrangetés. Le gros problème, en fait, du scénario, c'est qu'il devient ultra intéressant quand le jeu se termine. Le jeu met trop de temps à installer les personnages, beaucoup trop de temps. On a vraiment l'impression finalement qu'il ne se passe pas grand-chose. On a quelques petites révélations, des bribes d'informations ici et là de certains personnages qui vont vraiment faire leur apparition ici dans le jeu, et notamment le personnage de Kate. Et je me dis, bah ouais, c'est bien, mais c'est trop lent. C'est trop lent à les mettre en place, à les mettre en valeur, à les mettre en avant. Et là, je me suis dit, il manque ce petit côté où finalement le... Il y a un retournement de scénario qui fait que ça aurait donné de la consistance. Un mauvais moment à penser. Guillaume Senet, alors là on a entendu des arguments, et c'est toujours la difficulté de ce genre d'exercice, c'est que effectivement on parle d'un scénario poussé, on parle de tout un travail, de la convocation d'éléments d'actualité, comme ça a pu être dit avec Guantanamo, etc. Et tout ça, moi je le sais, c'est pour ça que je fais Blockbuster, que les gens viennent en parler, mais les gens me disent « Ouais, enfin, Gears of War, c'est des bourrins qui se tirent dessus, quoi. » Donc, est-ce que c'est nous qui délirons, ou est-ce que ça va quand même plus loin? Comme on a pu le démontrer juste avant, évidemment, ça va plus loin, mais je suis pas forcément en désaccord avec ces remarques qu'ont pu faire ces gens-là. Le truc, c'est que Gears of War, il est arrivé à un moment où le jeu vidéo, notamment en 2006, voulait énormément, beaucoup plus en tout cas qu'à l'époque, mettre en avant des scénarios beaucoup plus poussés, avec des rebondissements de fou, même des acteurs qui travaillent directement sur les jeux. Enfin, c'était l'époque où il fallait faire du cinéma en jeu vidéo, plus qu'avant en tout cas. Et Gears of War, quand il est arrivé, justement, on avait cette impression qu'il revenait un petit peu à cette époque où on faisait des jeux d'arcade très bourrins, très guerriers, très immédiat, très immature aussi. Parce que les premières images qu'on a vues Gears of War, c'était quand même très très sombre, très immature, avec ça tire de partout, du sang qui gicle partout, avec une tronçonneuse. Voilà, c'est ça. Mais et donc c'est pas forcément des remarques que je dirais forcément stupides. Je dirais juste que non, en fait, Gears of War, c'est vraiment une série de jeux qui va beaucoup plus loin dans ce qu'elle a raconté. Dans ce qu'elle a montré et comment elle le raconte, et en plus c'est aussi un jeu qui a énormément mis en avant des stratégies de gameplay ou des strates de gameplay des jeux qui ont suivi par la suite. Donc en fait, il y a le côté évidemment scénaristique qui est beaucoup plus poussé qu'on ne le pense, mais l'héritage de Gears of War dans le jeu vidéo qui a suivi de post 2006, je pense que beaucoup de jeux doivent beaucoup à Gears of War, et ça, mine de rien, ça fait aussi partie du cachet du jeu, quoi. Et il y a aussi une dimension qu'on n'a pas encore abordée, mais qui, à mon avis, est gage de qualité dans un jeu, c'est le rythme de la mise en scène. Parce que souvent, des gens vont pointer du doigt, par exemple, le cinéma d'un Michael Bay, en disant « Oh, bah, c'est des courses-poursuites ». Mais en fait, tout le monde ne sait pas le faire, tout le monde ne sait pas le raconter. Et par exemple, un film comme John Wick, c'est un film qui tient sur un timbre-poste, le scénario. Mmh. Et pourtant, le voyage et la manière dont c'est raconté, c'est ça qui nous tient. Et il y a quelque chose de similaire, je sais pas si vous partagez cette opinion, Anna Bresson, mais dans Gears of War. Mais si, bien sûr, mais moi, je l'ai entendu plusieurs fois cet argument, mais qui va jouer à Gears of War pour le lore? Bah oui, mais moi, j'ai réussi à pleurer, j'ai réussi à rire, j'ai réussi à partager tous ces sentiments avec mes personnages. Et je pense que si, alors oui, le visuel ne sert effectivement pas le propos, mais le lore est là et il y a beaucoup de retournements de situation. Le lore, c'est le folklore, oui. L'univers, je le dis parce que... Je n'ai pas vulgarisé. Mais oui, il y a des scénarios qui sont inattendus, mais pour ça, en fait, il faut prendre le temps de vraiment s'immerger. Et la musique aussi sert beaucoup dans ce jeu-là. Elle sert énormément, mais pour ça, il faut vraiment prendre le temps et pas partir du principe. Ouais, faut pas être braqué, pour moi. Et là, les arguments que j'ai pu entendre, c'est ça. C'est des gens qui déjà n'ont pas joué au premier opus. Alors oui, quand on commence à jouer à la nouvelle trilogie, donc quand on commence à partir du 4, peut-être que là, on peut émettre ces commentaires-là. Mais pour moi, déjà, à partir du 5... la nouvelle héroïne, enfin celle qui est mise en place après, oui. Du coup, oui, après le fils de Marcus, et ben cette héroïne-là était quand même assez développée et même tout l'opus, le 5, est quand même assez centralisé sur elle, sur justement le fait qu'elle ait une double personnalité qui est en elle, qu'elle essaie de s'en débarrasser. On apprend énormément de choses justement aussi sur le mal que les humains ont fait. Sont faits à eux-mêmes. On apprend donc l'origine des Locusts, entre autres, et surtout l'origine de la mère... La matriarche. Oui, mais je ne sais plus le nom. Il me semble que c'est... Oui, voilà, le grand boss, en gros. Et alors, justement, c'est intéressant, parce que c'est ce que je vous disais hors antenne. Ce qui m'a frappé dans Gears of War, c'est que depuis le premier jusqu'au 5, j'ai l'impression que la finalité de ces jeux, à chaque fois que le joueur donc remplit, termine le jeu, on aggrave la situation. C'est-à-dire qu'en fait, on joue le rôle de quelqu'un qui finalement va aggraver l'état de la planète, les relations locustes humains. C'est comme si on était une sorte de fléau. Il y a une sorte de parabole de l'humanité assez cynique, mais qui de toute façon ne réglera pas les problèmes, mais les aggravera. Est-ce que c'était voulu initialement? Je pense que ça permet de faire du rebondissement facile et de pouvoir préparer le futur, vu que très rapidement ils sont partis sur l'idée que ça serait une trilogie. Il fallait préparer un peu l'avenir, donc je pense qu'il y a l'idée aussi de préparer un petit peu les jeux à venir. Mais globalement, le jeu est assez pessimiste. On en parlait tout à l'heure. C'est en grande partie à cause de l'état d'esprit dans lequel Bleszinski était à l'époque. Et donc forcément, ça détend un petit peu. Et oui, l'humain est c'est un peu lui le loup dans l'histoire, parce que finalement, avant que je commence, il y a une espèce de grande guerre civile à l'échelle planétaire entre différentes factions humaines qui finissent par pratiquement annihiler la planète, qui est pratiquement plus exploitable. Ils ont utilisé des armes atomiques et d'autres armes encore plus impressionnantes pour s'entretuer. En faisant ça, forcément les populations réduisent, mais ils réveillent les locustes et il y a ensuite une nouvelle guerre dans laquelle en plus ils perdent, et pour réussir à les repousser, ils utilisent des armes qui sont toujours plus puissantes, mais qui aussi endommagent toujours plus la planète. Enfin, c'est infini, on finit par se dire que en fait il faudrait un espèce de grand reset et que quelqu'un arrive et fasse tout, il recommence, parce que finalement ça ne peut qu'aller de mal en pis, quoi. Et il y a aussi évidemment cette rupture donc qui a été matricielle et qui a créé aussi certaines polémiques sur la certains personnages, notamment le berserker, qui est une version féminine. Il a fini par s'en excuser un petit peu, parce que c'est vrai que le traitement du personnage, pas vraiment un personnage, parce que c'est un monstre, un ennemi qui apparaît de manière assez irrégulière dans le jeu, qui est hyper impressionnant parce qu'il est invulnérable. En fait, la seule façon de le tuer, c'est d'utiliser le fameux rayon de l'aube, cette espèce de satellite qui envoie un puissant rayon laser, une espèce de puissant rayon d'énergie. Il y a que ça qui peut le tuer. Et en fait, on apprend dans le jeu que pour se reproduire, les locustes en fait enchaînent des berserkers qui sont toutes des femelles et les violent en fait. Et qu'on entend ça, en fait, c'est bon. On imagine, il faut bien imaginer la scène, parce que toutes les créatures sont répugnantes, mais on imagine une femelle qui est attachée. Oui, pas savoir. Et il explique que à l'époque, il est encore dans cette phase très sombre de sa vie suite à sa rupture, et il a fini par le dire, oui, c'était n'importe quoi, mais bon, c'est dans le jeu, c'est comme ça maintenant. Mais oui, effectivement, c'est n'importe quoi. Je suis allé un peu trop loin avec le berserker, ouais. Et Il y a aussi des inspirations très pop culture, mais autres dans Gears of War, dont on n'a pas encore parlé, notamment évidemment Space Marines, Warhammer, c'est-à-dire que le look de ces soldats avec des armures énormes, on sent évidemment la dimension figurine de métal qui a pesé très très fort dans la conception de cet univers. Quelqu'un veut se lancer? Ouais, Loïc Rallet. Vas-y. Non, mais je veux bien participer là-dessus. Oui, effectivement, mais après ça fait aussi partie de l'identification des personnages du jeu. Comme on en a dit tout à l'heure, on est dans une constellation. Enfin, on a environ 4 ou 5 personnages, je sais plus. Bon, t'as Marcus, t'as Baird, donc qui est le geek de service. On a Cole, qui est un ancien footballeur américain. Bon, enfin, le sport chez les hommes à ce moment-là d'histoire, c'est un espèce de football américain ultra violent, un peu comme le speedball. On a quoi d'autre aussi? On a Marcus Fenix, le héros, et puis après on a d'autres constellations de personnages qui sont tous bien identifiés, mais ils ont tous cette espèce d'armure très Warhammer 40 000, très très identifiée, et bon, ils ont évidemment. Alors, il faut préciser aux auditeurs ce qu'est Warhammer 40 000. Ouais, bon, c'est... Si vous avez 2 heures de temps. Warhammer 40 000, c'est une licence de Games Workshop, donc la série des Warhammer. En fait, c'est un spin-off de la série Warhammer de base. Un spin-off. Bref, je vais rentrer dans une série dérivée. Bref, avec justement cette des petits jeux de plateau, et puis des figurines. Cette imagerie très futuriste en plomb. Voilà, il y aura bientôt un blockbuster sur Warhammer. Voilà, là, je sais qu'il y a déjà toute une communauté. Ah, ouais. On va expliquer, mais c'est bien de l'avoir tenté. Mais c'est vrai que pour le coup, Gears of War s'inspire énormément de ces univers, et même je trouve que avec le temps et avec les jeux qui sont enchaînés, je trouve que justement Gears of War a réussi à se détacher de tout cet univers dont il s'est lui-même inspiré pour créer son propre univers et sa propre filmologie, on va dire, et sa propre affiliation, ses propres codes, ses propres personnages. Et aujourd'hui, Gears of War, c'est une série qui est très très identifiable, même au sein même d'une pop culture du même style, en fait. On arrive à la dernière partie de cette émission, mais avant cela, on va écouter un choix de notre programmatrice musicale Valentine Chedebois, Léonie Pernet, avec Mon amour, tu bois trop. Pendant 2 ans, louange à Dieu, louange à toi. Léonie Pernet, mon amour, tu bois trop. Ok, contrôle, on se déploie. Contrôle, c'est sérieusement ? J'ai un nom. Contrôle. Les règles sont les règles, merde. Enfin, contrôle. Et on en enfreint suffisamment comme ça. Jean peut rien dire si elle est pas au courant. C'est à moi de décider, ok ? Et si j'appelais pas à la première ministre, elle peut me passer un savon. Ce qu'elle fera sûrement. Dis-nous juste où aller, contrôle. Je vais faire de mon mieux. Mais n'oubliez pas que personne n'a mis les pieds dans cette installation depuis 25 ans. Vous n'êtes pas là pour vous promener. Vous devez lancer un vieux prototype de rayon de l'aube. Et d'après tes infos, un des silos est intact, c'est ça ? Ouais, on dirait. Emmenez-les dans une salle de contrôle opérationnelle. Il gérera la séquence de lancement. Depuis le début de cette émission, on entend la version française de Gears of War, version de qualité. Et alors, il y a notamment José Luchoni qui interprète Marcus Fenix et Anthony Carmine. Il y a Thierry Mercier qui interprète Dom. Anne Rochant qui interprète la reine Locuste. Antoine Thomé, Cole. Patrice Mélenec, Damon Byrne. Il y a un soin tout particulier qui a été apporté à cette version française. Oui, totalement. Après, ça fait partie aussi de la mise en scène générale du jeu, mais dès que Gears of War le premier est sorti, on avait déjà des voix très identifiées pour les personnages, bon, notamment celle de Marcus Fenix avec la voix de José Luchoni, le regretté d'ailleurs. Une voix, c'est la voix d'Al Pacino, donc très emblématique. Et tous les personnages ont en fait leur univers. Leur façon de parler, leur mimique auditive, tout ça, donc c'est très c'est effectivement la VF, je trouve, en tout cas de mon point de vue, la VF de Gears of War est très réussie, et ça dans tous les épisodes de la série, et je la préfère même à la version originale. Complètement. Oui, Crallet. Oui, complètement. Mais c'est une expérience auditive aussi, un petit peu, Gears of War, de toute manière, au-delà de la VF, qui effectivement, qui est excellente. C'est que moi, quand je pense à Gears of War, je pense à un son, c'est le son qu'on entend. C'est une toute petite mélodie, il y a 4-5 notes, qu'on entend très légèrement dans le fond lorsqu'on débloque une porte ou qu'on termine une situation. C'est une espèce de léger sifflement. Je sais pas exactement ce qu'ils ont utilisé comme instrument, comme matériel pour faire ce son. Mais voilà, c'est ce genre de truc. C'est le son des balles qui partent, c'est le son, des ennemis en face qui récupèrent. Oui, en plus, généralement, c'est des jeux où on joue avec le casque. Ouais. Donc en fait, ça passe d'une oreille à l'autre très rapidement, les balles qui sifflent. Ouais, le son de la tronçonneuse du Lanzor. Son de la tronçonneuse, ouais. Il y a plein de sons comme ça qui... En fait, globalement, Gears of War, c'est une expérience qui est très, très sensorielle. Même le contrôle des personnages, lorsque vous contrôlez les personnages, effectivement, ils sont en armure. Donc vous avez tout de suite, lorsque vous les déplacez... Il y a une sorte de lourdeur quand ils se collent un mur. Oui. Lorsqu'ils se... Il tape contre un mur, on entend bien leur corps massif, il paf, tape contre la barricade. Lorsqu'il y a des tirs, on les entend qui grommellent, on entend les tirs qui passent à travers les sacs de sable, on entend les chargeurs, Et puis aussi cet élément de gameplay dont on n'a pas parlé, mais c'est que quand plus ils sont blessés, plus il y a ce crâne rouge qui prend de la place à l'écran, et il y a cette possibilité d'avoir un tir qui vous remet d'aplomb, parce que on voit les personnages qui rampent au sol et je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre de on parlait d'assaut qui est très vraiment singulier à Gears of War, c'est-à-dire qu'on est toujours dans des endroits assiégés et on sait que le personnage n'est pas forcément celui qui est le plus avantagé dans cet environnement. Bon, en général, dans Gears of War, la règle c'est plus tu bouges, plus tu meurs. il faut éviter de rester c'est un cover shooter, donc effectivement il faut être à couvert, il faut éviter d'être trop visible, à découvert en fait, simplement parce que sinon effectivement c'est la mort assurée, mais c'est ça qui fait la spécificité du jeu et ce qui fait aussi en grande partie sa réussite. On est à une époque où 2006 où Call of Duty 4 n'est pas encore sorti, mais on est déjà sur des FPS qui sont mine de rien assez nerveux, où ça bouge dans tous les sens, ça saute dans tous les sens, ça tire dans tous les sens. Là on arrive sur un rythme de jeu qui est beaucoup plus lent, où on sent la lourdeur des personnages, on sent la lourdeur de la situation et ça fait toute la différence. Anna Bresson ? Je dirais même plus, pour moi si justement maintenant on a le réflexe dans les jeux comme ça, TPS ou FPS, de se mettre à croupir, c'est essentiellement grâce à Gears of War. Et de plus, là, au niveau des armes, il y avait quelque chose aussi qui était très punitif. Les armes s'enrayaient très facilement. Oui. Et donc, heureusement qu'on avait la baïonnette, on avait quelque chose, parce que sinon, c'était pas possible. Guillaume Sonnet. Ouais, justement, on parlait des armes. Moi, c'est aussi un aspect de Gears of War que j'aime beaucoup et qui justement joue sur l'identification du jeu, c'est que les armes, elles ont un design bien particulier. Donc, on parlait du Lanzor, qui est un espèce de gros fusil d'assaut avec une tronçonneuse attachée dessus. Donc, on peut directement aller au corps à corps sur les ennemis pour pouvoir les tronçonner en deux. Donc, avec évidemment des scènes graphiques très impressionnantes avec du sang qui gicle partout. Donc, ça fait aussi partie du folklore du jeu. On a un fusil à pompe qui, lorsqu'on arrive quasiment à bout portant, bah, ça explose complètement l'ennemi qu'on a en face. Il y a plein de trucs comme ça, et notamment aussi on parlait aussi de le côté graphique de tout cet univers. C'est que par exemple quand on se retrouvait à terre, quand on a plus de vie, on peut non seulement se faire aider par un coéquipier pour pouvoir revenir dans le jeu, mais on peut aussi se faire écraser par un locus qui passait par là, oui. Et nous écrase la tête, et là encore c'est encore plus graphique. Oui. Et je trouve que c'est une identification graphique de Gears of War qui joue en sa faveur et que l'on trouve dans n'importe dans plus vraiment beaucoup de jeux, même encore aujourd'hui. Et à une époque où tout est franchise, où tout est adapté en série, en film, je suis assez surpris que Gears of War n'ait pas encore été adapté au cinéma. D'autant qu'en plus, il y a un acteur qui a le physique du genre et qui a fait un lobbying comme jamais pour pouvoir incarner Marcus Fenix sur grand écran. C'est Dave Bautista. Alors pour les auditeurs, c'est Dave Bautista, c'est un catcheur, un ancien catcheur, et c'est aussi celui qui joue Drax dans Les Gardiens de la Galaxie, et aussi dans Blade Runner. Enfin voilà, un très bon acteur, trop sous-estimé. Mais comment on explique l'absence d'adaptation autour de Gears of War? Il y a eu des projets à une époque, c'était discuté, mais la licence phare de Xbox qui est Halo, il y a eu des projets aussi, et ça a été une longue galère jusqu'à ce que finalement il y ait une série qui sorte quoi, c'était l'année dernière maintenant, oui. Cette année. Donc Halo a été la pierre d'achoppement à l'adaptation de Gears of War. Je dirais pas ça, je dirais plutôt que si ça a mis autant de temps pour Halo, pour Gears of War, ça risque de prendre encore, ça risque de prendre du temps parce que effectivement, on a du mal à imaginer parce que typiquement Ubisoft en France ont été capables de sortir un film avec Assassin's Creed, mais ils ont cette capacité à tout faire plus ou moins en interne, où ils ont dédié un petit peu des choses, mais voilà, ils ont réussi à garder le contrôle sur tout ça. Xbox à l'époque, lorsqu'ils ont voulu sortir un film Halo, ils ont approché Peter Jackson, donc le réalisateur de la trilogie Seigneur des Anneaux, et il y avait effectivement un projet qui allait très loin parce qu'il y a eu notamment des répliques du Warthog, donc le fameux 4x4 de Halo, qui ont été produites et qui marchaient en plus de ça. Donc ça allait assez loin. Puis après, ben c'est Hollywood quoi. C'est Hollywood. Les systèmes de production de studios, etc., qui sont trop compliqués. Et c'est jamais allé beaucoup plus loin. Et c'était Halo qui était à ce moment-là une des licences les plus puissantes au monde. Gears of War, même si effectivement ça réussissait, c'était pas à ce niveau-là. Niveau-là. Du coup, Guillaume Sonnet, très rapidement. Oui, c'est ce que je voulais dire, c'est que aussi il faut voir par rapport au succès de la série, c'est-à-dire que effectivement pendant la fin des années 2000, Gears of War c'était très très lourd, il y avait beaucoup de jeux qui s'enchaînaient, et c'était surtout des jeux qui étaient très mis en avant au côté marketing. Mais aujourd'hui, Gears of War, est-ce que c'est vraiment une série sur laquelle les showrunners ont envie d'investir? Je suis pas encore sûr. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Merci Loïc Rallet, Anna Bressan, Guillaume Sonnet. Merci également à Tristan Gratalon à la technique et Raphaël Rousseau au mixage. Je rappelle que vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20, c'est votre répondeur, ou en parler avec moi sur Twitter avec le hashtag BlockbusterEFI. Prenons le temps de penser aux hommes et aux femmes dont les sacrifices ont sauvé notre civilisation. Grâce à eux, nous avons tenu au long crépuscule. Nous avons ramené la prospérité. La nouvelle CGU nous a offert un monde sans guerre, sans souffrance. Nous vivons en sécurité, en famille, dans un monde enfin en paix. Si vous aimez l'humour et la fraîcheur de Spider-Man, si vous aimez la puissance de Superman et que vous aimez la sauvagerie de The Boys, l'émission de demain est faite pour vous. On va parler d'Invincible de Robert Kirkman, le comic book de Robert Kirkman. France Inter.